dentaire, qu'on terre. Tous ces crimes sans avoir le moins de charisme. Assez de ces guerres qui tous nous enterrent. Comme ces airs de lutte, comme marquer un but. On aime gagner, rapporter sa médaille au foyer. Mais quand on s'est tué, pourquoi c'était mal dessiné? J'ai juste voulu ramener la paix, fumer ce qu'allumer. C'est entre français et étrangers. La paix humanisée, la personne peut t'aider. Elle est menue d'un grand arrêt. Elle va tout arracher, te planter dans ta côté. Puis enchaîner, puis esquiver. Toutes ces armées, cette armée. La guerre c'est pas l'enfer, c'est des simples faits divers. On veut tous conquérir cet univers. Être seul sur cette terre, il s'agit pas de se plaire. Mais plutôt être faire des mercenaires ou légionnaires. Cela fait une bonne carrière, une bonne carrière. S'affronter corps à corps jusqu'à sa mort. Entend les bruits d'épée qui se font transpercer. Et sans train de gicler sur une personne estimée. Comprenez que pour faire ces versets, fallait du toupet. Mais je voulais vous choquer, faire montrer la réalité. Car ce qui se passe à la télé n'est que du ciné. Et ce qu'il y a dehors, c'est encore jusqu'à la mort. On peut pas se cacher, car c'est comme humilié. Il faut foncer tes blessés, le piquer bien aiguisé. Et couvrir cette armée qu'il y a de l'autre côté. La guerre c'est pas l'enfer, c'est des simples faits divers. On veut tous conquérir cet univers. Être seul sur cette terre, il s'agit pas de se plaire. Mais plutôt être faire des mercenaires ou légionnaires. Cela fait une bonne carrière, une bonne carrière. Là t'es dans ta tanière, tu joues des manières. C'est ta première guerre, et t'es dans la misère. T'as plus munitions, donc pas conclusion. Il faut trouver un marmé sans se faire shooter. Pas facilité vu qu'un guerrier est en train de rôder. A tes côtés, il prisé, tu l'as balancé. Pour espérer qu'il a écouté ce bruit. Et puis t'en profites, tu choisis la fuite. Manque de peau, le guerrier n'est pas tombé dans le panneau. Et prend son couteau, le lance comme un javelot. Se dit bravo, j'ai lancé en plein dans le cerveau. La guerre c'est pas l'enfer, c'est des simples faits divers. On veut tous conquérir cet univers. Être seul sur cette terre, il s'agit pas de se plaire. Mais plutôt être faire des mercenaires ou légionnaires. Cela fait une bonne carrière.